Bonne fin d'après-midi à tous, bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques à chanter. Voilà, je vais arrêter de dire à danser puisqu'on ne danse plus, on n'a plus le droit, mais voilà, ça se danse quand même, on peut danser tout seul si on en a vraiment, vraiment, vraiment envie. On a commencé avec un casabar, Electric Casabar, de la formation Alambic Electric, une formation qui s'est séparé, donc qui n'existe plus, mais on peut continuer à profiter des morceaux qu'ils nous ont offerts. Et puis, y a d'autres formations qui fonctionnent bien. Et malgré les circonstances, eh bien, il y a des formations qui continuent de sortir leurs albums comme c'était prévu. Et on va en découvrir quelques-uns qui sont assez récents et que je vais vous proposer aujourd'hui. Tout de suite, la formation Mr. Clough. Voici, pour rester dans la musique bretonne, une suite Plin. Thank you. pour ceux qui n'ont pas l'habitude des Fesnous et qui ont trouvé ce titre un petit peu long, eh bien, une suite Pline, ça se partage en différents temps de danse. Et souvent, sur les albums des danses bretonnes, ça fait souvent trois plages d'albums. Et là, Mr. Clough, ils ont tout réuni, toute la suite, sur une seule plage. Donc, c'était une plage un petit peu plus longue. On quitte Mr. Clough pour une nouveauté d'Imac Sextet, une formation d'Auvergne qui sort son album Dernière Noce avec des instrumentaux et du chant. Voici une chanson qui se trouve donc sur cet album de cette formation d'Imac Sextet. Voici Le Roi a fait battre tambour. Un roi qui profite un petit peu, il faut dire, du privilège d'être roi. Le roi a fait battre tambour, le roi a fait battre tambour pour voir toutes ces dames, et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. Si vous n'étiez pas le roi, c'est tout nouveau et ben, je pense qu'on les réécoutera de temps en temps dans cette émission. Autre nouveauté avec Tiené Simona et son accordéon. Il nous propose un album en solo, mais avec quelques invités quand même. Voici une composition de Tiené Simona, ça s'appelle « Les Passiflores ». Bien joli ce morceau, les Passiflores, c'est une nouveauté sur l'album de Tiené Simona. Et je vous ai promis plusieurs nouveautés, voilà, j'ai eu beaucoup de chance cette semaine de recevoir plein de choses pour vous. C'est le duo Mac Borno Et ce duo qui existe depuis 2008, eh bien, sur son nouvel album, nous propose des reprises, mais des reprises non pas de titres traditionnels, mais beaucoup de titres de musique classique. Ils les revisitent, bien entendu, avec leurs instruments. Et voilà, c'est pas un morceau purement classique que j'ai choisi. C'est un swing scottish sur l'album du duo Mac Borno. C'est donc un extrait du dernier album, tout récent album du duo Mac, Benjamin Mac Borno, avec une swing scottish. Autre reprise, également un petit peu avec un côté un peu humoristique, voici la sauterelle polka. Derrière de chez mon père, un orange lia. Et tous les souhaits du monde sans motif et leur nid. Et vive le mois de mes malurettes pour aller dans des malurettes. Et pour aller dans des malurettes là-haut dans les prés. Là-haut, là-haut, là-haut, là-haut, là-haut dans les prés. Et la pile, la bouille, la caille, la roulie vers le lit. Et la vierge colombe dit, chante tous les nuits, vive le maï de mes madurettes, pour aller dans des madurettes. Et pour aller dans des madurettes, là-haut dans les prés, là-haut, là-haut, là-haut, là-haut, là-haut dans les prés. Voilà un texte traditionnel que vous aurez peut-être reconnu et une manière un petit peu moins traditionnelle de le traiter. Autre nouveauté que je vous propose déjà depuis quelques semaines, c'est le nouvel album de la formation Gilize. On attend la sortie de l'album pour ce vendredi du côté de Tours. Après, on pourra découvrir l'album en entier. Pour l'instant, un seul titre à découvrir. Je vous l'ai déjà proposé dans les précédentes émissions. C'est le titre Rocky Road avec la voix, je vais retrouver de Yona. Yona qui est la nouvelle chanteuse de cette formation Gilize. On retrouve donc ce titre Rocky Road qui est également le titre de l'album. Thank you. said you left the coast of Tuam, nearly broken hearted, saluted fat that you kissed me, darling mother, drink a pint of beer, me grief and tears to smother that off to leave the court, leave where I was born, cut a stone like thorns, you banished ghosts and goblins have been your pair of bros, rattling all the bugs, frightening all the dogs on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, up there and turn her down the rocky road all the way to Dublin, whack for Lully Rock. So weary, started by the line, my spirit sprite, and every took a drop of the pure. Keep me hard from sinking, that's the baddest cure. Whatever is on for drinking, to hear the last is what? That the yellow one, and me curious now, we sit your heart to bubble and ask if I was side. Which is a record to love, was nearly tied on the rocky road. To Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hair and turn her down the rocky road. All the way to Dublin, work for Lully Rock. I know I'm hardy when I jumped aboard a cabin found for Buddy. Down among the pigs, did some hoity rigs, play some hoity jigs to watch you on me bubbling when I'm fully hurt. Wish myself was dead, or better for instead. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, la semaine prochaine ou la suivante, je vous le promets, on écoutera un autre titre de cet album Rocky Road de la formation Gillies. On poursuit avec Bargenat et L'Arrivée. Voilà, c'était la formation Barguenat, une formation qui nous vient du côté de Montpellier. On a écouté plusieurs morceaux avec un petit côté humoristique. C'est le cas également de la formation Menace d'éclaircie. Alors Menace d'éclaircie, c'est une formation qu'on trouvait plutôt dans les rues, puisqu'ils font plutôt des animations musicales dans les festivals ou dans des villes. Et ils ont sorti au printemps un album qui s'appelle Finish Your Patate and Take Your Converse, avec un très bel accent, vous l'aurez noté, n'est-ce pas? Eh bien, je vous propose d'écouter le titre Freddy Mercury, moi qui étais une grande amatrice de la formation Queen. Voici donc ce titre Freddy Mercury, et c'est la formation Menace d'éclaircie. Don't. C'est pas que je sois de première jeunesse, la vie a passé sous les ponts, mais le bateau est encore bon, et le temps n'est pas à la paresse. Si je débarque, il me restera comme saoulé au café du port, sans avoir comme un cœur à bord, dans la cale, le moteur qui bat. La nonchalante, la nonchalante, on va pas se quitter comme ça, moi sans ta coque, toi sans mes bras. La nonchalante, la nonchalante, la nonchalante, on peut pas oublier tout ça, ils disent ce qu'ils veulent, nous on s'en va. La nonchalante. Depuis la fin des années 30, on en a vu des chargements, des écluses et du mauvais temps, qu'il soit montant ou avalante. Un soleil qui vit sous la brume, canal du midi sous la lune, les fins de semaine à conflant, il y a eu aussi des bons moments. La nonchalante, la nonchalante, pas se quitter comme ça, moi sans ta coque, toi sans mes bras. La nonchalante, la nonchalante, la nonchalante, on peut pas oublier tout ça, ils disent ce qu'ils veulent, mais on s'en va. La nonchalante. Plus large, tous les deux au bout du rouleau, qu'il faut m'envoyer à l'hosto et t'amener au déchirage. Mais passé la dernière écluse, on partira sur la Grand Bleue, on ira aussi loin qu'on peut. J'aimerais t'en voir Syracuse, la nonchalante, la nonchalante. On va pas se quitter comme ça, moi sans ta coque, toi sans mes bras. La nonchalante, oh la nonchalante, oh la nonchalante, on peut pas oublier tout ça, ils disent qu'ils veulent, nous on s'en va. La nonchalante, la nonchalante, la nonchalante, on va pas se quitter comme ça, moi sans ta coque, toi sans mes bras. La nonchalante, oh la nonchalante, la nonchalante, on peut pas oublier tout ça, ils disent ce qu'ils veulent, nous on s'en va. La nonchalante. Autre nouveauté, le duo Absinthe qui a sorti au mois de septembre son troisième opus avec ce titre chanté, et c'était La Nonchalante. On va tout doucement vers la fin de cette première heure. On a eu beaucoup de nouveautés malgré les circonstances. Eh bien, les groupes ont continué à travailler. Et bien sûr, il faut que la vie avance. Et on poursuit en musique avec la formation Plantec et le titre Agimé. Thank you. si ça n'en avait pas l'air, c'était un pilé menu avec cette formation Plantech et leurs invités sur leur dernier album. Et pour les invités de ce morceau, bien entendu, c'était le Japon qui était représenté. Pour ceux qui trouvent qu'on a été beaucoup du côté de la Bretagne, eh bien, je vous propose de finir cette première heure du côté du pays occitan avec la Talvera. Et la dernière vidéo en date de cette formation qui s'appelle la Fema del Fabre. Yeah. Voilà l'histoire d'une fille à qui on impose un mariage et elle n'est pas du tout heureuse de ce mariage et du marié qu'on lui a proposé. C'est le week-end où il faut sortir. Il y a plein de sorties. J'en ai même encore eu qui sont venues se rajouter. Et puis après, plus rien. Donc c'est vraiment le week-end où il faut sortir. Donc ce vendredi, vous avez le choix. C'est d'aller à Tours écouter Gillis, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est à la salle Opigem avec deux représentations, 18h30, 20h30. Vous pouvez aller dans l'Eure-et-Loire écouter Mes souliers sont rouges, qui n'est pas très loin, c'est aussi une bonne idée de sortie. Vous pouvez aller du côté de Paris retrouver à l'Atalante une soirée très d'actuelle où il y aura Cocania et Embraya. Et puis du côté de Paris aussi, il y a une soirée où on pourra écouter les conteuses de pas. Au départ, ça devait être un concert suivi d'un bal. Il n'y aura qu'un concert pour cette soirée proposée par Tradamuse à Lyon en Suliac. C'est le trio Euphrasie qu'on pourra retrouver ce samedi, proposé par l'association Tradamuse. Réservation obligatoire parce qu'il y a très peu de places. Encore quelques places. Il y avait encore quelques places il y a quelques jours. Alors n'hésitez pas si vous avez envie d'aller écouter les trois chanteuses du trio Euphrasie. Et j'ai bien peur que ce soit le dernier agenda des sorties pendant quelques semaines, puisque voilà, je n'ai rien trouvé pour les semaines à venir. Si vous avez quelques idées, n'hésitez pas, vous me passez un petit coup de fil, 02 38 43 48 00 pendant cette émission. Je serai ravie de faire part de ces idées de sorties, mais j'ai bien peur que les mois à venir soient très tristes en ce qui concerne les concerts et bien entendu pas de bal. Deuxième partie d'émission et je vous propose de retrouver quelques-uns des artistes dont je viens de vous parler. Je viens de vous parler de Mes souliers sont rouges qui seront dans l'Eure-et-Loire ce samedi. Voici Mes souliers sont rouges avec Nom que j'aime donc. Du combat sont mis à rire de ces vieux garçons. Les jeunes gens sont mis à rire de ces vieux garçons. Non que j'aime donc la boisson sans cesse. Non que j'aime donc la boisson. Non que j'aime donc que la boisson sans cesse. Non que j'aime donc la boisson. Les jeunes gens sont Voilà, et nous, on aime Mes souliers sont rouges parce que c'est toujours aussi festif. Je vous l'ai dit, du côté de Paris, ce vendredi, on peut retrouver les conteuses de pas. Alors, vous n'irez peut-être pas à Paris, mais les conteuses de pas, vous les avez tout de suite avec Cueillir la rose. Alors, c'était prévu qu'on écoute le trio Euphrasie. Le trio Euphrasie, eh bien, je pense qu'il va arriver très très prochainement. Le trio Euphrasie, c'est du côté de Villemurlin ce samedi. À l'autre jour, en m'y promenant, oh, tout le long de ces bois charmants, oh, j'ai aperçu une jolie brunette qui coupait du bois dedans ma forêt. Oh, je la connais, oh, cette dondon, oh, c'est la petite Jeanneton. Tu me les paieras bien toutes ces broussailles, où je t'enlèverai ton joli tablier. Mon bon monsieur, comment vous payez? Je n'ai ni or ni aucun denier. Ton petit pucelage, ma jolie brunette, payera le bois de ma forêt. Mais quand la belle y a eu accordé à ce bon monsieur, de ce que vous savez bien, la poudre à canon s'est trouvée humide, jamais le fusil n'a voulu partir. Oh, tout chasseur qui va à la chasse doit s'y assurer avant de tirer. Le trio Euphrasie, du nom d'Euphrasie Pichon, qui dont les collectages ont servi à créer le répertoire de ces trois chanteuses. Je vous propose de poursuivre avec Oh là là, c'est Talek Noguet version quartet. Ces petits grandes mignonnes, oh là là. Dido, dido, de mes veines, en me donna, da, da, da, da. En me donna, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Nagaretan, mignon moi, bête, oh, y'a rené, n'est l'émitra, y'a nous entières, bras, rostronen, n'est miroir, y'a glad, n'est-en, oh, nous entières, bras, rostronen, n'est miroir, y'a rari, n'est-en, oh là là. Oh, nagarné, mignon moi, bête, oh, y'a rené, n'est l'émitra, oh, nous entières, bras, de calag, un paysan, qu'un canacrac, oh, nous entières, Rizia. pañuelito colorado que de la mata cayó clavelito. Todo lleno de rocío, como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito. La madrugada se ahoga en los esteros. Sin pica ni soga, mitos ponen en boga, sueños de café colado, le echa cuentos al ganado, ñengueré madrugado. Clavelito colorado, si quieres partida buena, cuando juguemos al naipe en las orillas del caipe, en las orillas del caipe, yo tengo colchón de arena. Clavelito colorado que de la mata cayó, clavelito. Todo lleno de rocío, como te cogiera yo, clavelito. Clavelito, clavelito. Voilà la formation Agua Madera et le titre Clavelito pour faire un petit passage par l'Amérique latine, petit passage par l'Amérique du Nord avec les poules à colin. Je crois que le groupe a changé de nom, qui s'appelle Rosier maintenant, mais enfin à l'époque c'était les poules à colin et le titre Tout au long de la mer. Du long de la mer, long d'un coulant en ruisseau, j'ai entendu le marinier qui dit dans son langage, tandis que les amants sont donc plus de se mettre en. Time.